Aujourd'hui à Assemblage requis. Avec le beau temps qui est arrivé, Émilie Gauthier nous donne des conseils de camping dans sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Comme ça, Mathieu, tu vas savoir exactement quoi ne pas faire quand tu n'iras pas en camping cet été. Et que tu me connais bien. Soyez-y à Assemblage requis dès 15h.